Nous avons l'intention, en dehors de la petite aventure que ceci représente, d'écrire au fur et à mesure du voyage un livre qui raconterait d'une façon tout à fait littéraire, poétique et humoristique les étapes, événements et expériences divers que va nous offrir sans aucun doute une expédition aussi étrange. Cela s'appellera peut-être Paris-Marseille par petit parking, et bien sûr l'autoroute serait la protagoniste principale. Faire le voyage de Paris à Marseille. Faire le voyage de Paris à Marseille sans quitter l'autoroute une seule fois. 2. Prendre connaissance de chaque parking, à raison de 2 parkings par jour, en passant toujours la nuit dans le deuxième, quel qu'il soit. 3. Faire des relevés scientifiques de chaque parking et prendre note de toute autre observation pertinente. 4. S'inspirant peut-être des récits de voyage des grands explorateurs du passé, écrire le livre de l'expédition. Modalité à déterminer. Les autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Épisode 5, vers l'arrivée. Mercredi 16 juin, 8h. Oh, la journée s'annonce belle. Carole, on y va. 8h10 départ. À notre droite, les montagnes de l'Ardèche, dans mon appareil photo également. 8h16, traversée de la Drôme. Des métamorphoses oniriques sur l'autoroute. Habitués comme nous le sommes à nous raconter nos rêves dès que nous nous réveillons, ou au moment où ils décident de lâcher leur flashback, nous avons continué de le faire ici, sans remarquer de changement notoire. Mais 4 ou 5 jours seulement après le départ de Paris, nous avons perçu les premières variantes qui n'ont fait que s'accentuer par la suite. Quand nous nous racontons nos rêves, nous sommes amenés à donner des détails d'une précision extrême, tant pour ce qui est du décor que de l'anecdote. Les descriptions de Carole et les miennes ont ces jours-ci une texture minutieuse d'un grain très fin, avec des couleurs intenses et bien définies, des formes complètes et précises. Quand nous rêvons de quelqu'un que nous connaissons ou que nous avons connu, chaque trait, geste et mot sont d'une fidélité stupéfiante. Et s'il s'agit d'une invention du rêve, cette invention a elle aussi des contours et des caractéristiques qu'il conviendrait d'appeler stéréoscopiques. Pourquoi cette stimulation inédite dans nos vies habituelles découpe-t-elle minutieusement les silhouettes des rêves? Pourquoi les aiguise-t-elle au lieu de les estomper? Question pour nous sans réponse. Mais toujours est-il que nous rêvons de façon de plus en plus différente et que cela nous plaît. Nous plaît de plus en plus. Si ce type de rêve disparaît comme nous le craignons, il faudra penser expéditions nouvelles et variées. Le monde, après tout, est plein de parkings où nous attendent peut-être des rêves d'une telle richesse qu'ils mériteront tous les voyages aller et même un beau jour, le voyage sans retour. Bon, heure inconnue, l'après-midi déjà. Pour la deuxième fois, nous sommes sortis du temps. Les Allemands ont totalement remplacé les Anglais, et en encore plus grand nombre, une véritable invasion. 10 km plus loin, étape, R2 Montélimar. Essence, restaurant, bureau de tourisme, vente de nougat, douche, et aussi un endroit pour pique-niquer, rempli d'arbres, avec allée pour les voitures. Orientation de Fafner, sud-ouest. J'ai placé la chaise longue à l'ombre d'un pin, afin de lire le journal. L'ombre est partie, et le soleil est venu. Mais je ne l'ai vu qu'au moment où je me suis réveillée d'un long rêve, doux et déjà presque oublié. Je sais seulement qu'il y avait des loups, et peut-être un train. La sensation, comme souvent lorsqu'on se réveille dans un lit, une chambre qui ne sont pas dans votre maison, lorsqu'on n'est pas entouré des murs habituels et que le subconscient met un certain temps à changer de décor, de ne pas savoir où l'on se trouve, mais de sentir pourtant une différence avant même d'avoir ouvert les yeux. Une différence encore plus marquée cette fois-ci, où l'oreille, qui peut-être ne dort jamais, émet des signaux qui me font penser « Zut, Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ni de la ville, ni de la campagne. Et j'ouvre alors les yeux. Et je me retrouve près du pin, maintenant au soleil. Et Fafnir est là, à quelques pas. Porte ouverte, fidèle et beau comme toujours. Tout d'un coup, je me rends compte combien il est bizarre, lorsque Rulio ne revient pas, de ne pas savoir où il se trouve. Et la fantaisie devient agréable. Il marche là-bas. Il dort dans l'herbe. Il a trouvé un sentier secret. Rulio n'a aucune idée de l'endroit où je le fais marcher, des choses que je lui fais faire. Quand on ouvre la porte au fantastique, il entre tout entier. Et je m'étonne de voir soudain Rulio s'approcher avec son sourire de toujours. Señorita Dunlop, j'ai pris un formidable bain de soleil dans un champ où je me suis entièrement déshabillé. Oh. Enfin, à part le slip. La prochaine fois, tu m'emmènes, d'accord? Avec plaisir. Mm. Je vous propose un petit rosé frais. Mm-hmm. Mm. Oursine dormant. Quand vient l'aube, je ne tarde pas à constater que l'oursine est entrée dans une nouvelle phase de sommeil. Il s'agit d'un comportement assez insolite et même tout à fait extraordinaire, qui consiste en de perpétuelles tentatives que fait l'oursine endormie pour se transformer en paquet, baluchon, ballot, un peu de tout ça, grâce à un système de mouvements, gestes, tiraillements, tractions et enchevêtrements qui peu à peu l'emmaillotent dans les draps et finalement la transforme en un grand bourgeon blanc, rose ou bleu à raies jaunes selon les cas. Au point qu'un quart d'heure seulement après avoir commencé cette métamorphose du petit matin, que je contemple toujours avec stupeur, l'oursine disparaît dans un tourbillon confus de draps qui disparaissent également de mon côté du lit, car personne ne saurait imaginer la force que l'oursine déploie pour les attirer à elle, et s'y enrouler complètement avant de s'apaiser enfin et de demeurer tranquille après une dernière série d'évolutions qui complètent la chrysalide et le bonheur évident de son occupante. Il me suffit d'effleurer du petit doigt le petit paquet tiède à mes côtés pour que de ses profondeurs échappe un doux grognement de satisfaction. Le mystère est total, comme on peut voir, car l'oursine est contente de me sentir à ses côtés et en même temps, elle se réfugie dans un cloître où je ne pourrais accéder sans détruire sa précieuse pénombre, sa température intime. Je la regarde dormir dans son éphémère et sans doute atavique hibernation. Et j'attends qu'elle se réveille seule, qu'elle se mette à se dérouler peu à peu, à sortir une main, un flot de cheveux, une petite paire de fesses ou un pied, et qu'ensuite elle me regarde comme si de rien n'était, comme si les draps n'étaient pas en tornade autour d'elle, chrysalide brisée d'où émerge mon jour nouveau, ma raison de vivre un nouveau jour. J'ai découvert la lune en plein ciel bleu de 11h du matin. J'étais en train de regarder avec tendresse son timide croissant de lune nouvelle, lorsqu'à sa droite, j'ai clairement distingué une sphère transparente, presque immobile dans l'espace. On voit parfaitement la sphère. Regarde. Ah oui? On dirait qu'elle est en verre. On dirait une sphère transparente. Mais voilà, transparente. Et ça serait quand même pas... Peut-être qu'on est les seuls à voir ce qu'on voit. Et si c'était un ovni? On va aller demander à la famille à la table d'à côté. Okay. Mmh. Oh non! Non, c'est bon. C'est bon. Ah, bonjour. Et bon appétit. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Nous avons des problèmes de vue, ma femme et moi, et nous ne sommes pas certains d'avoir aperçu une planète ou une sphère là-haut dans le ciel. On aimerait en avoir le cœur net. J'ai des jumelles, si vous voulez. Vous voulez que je regarde le ciel? Oui, enfin, si c'est possible. Si vous pouvez nous dire ce que vous voyez là-haut. À l'œil nu, je ne vois pas grand-chose. Tenez, il y a des jumelles là. Vous pouvez regarder avec? Non, vous avez raison. C'est bien une sphère transparente. Et vous voyez rien d'autre? Ça vous paraît pas bizarre? Vous m'avez demandé de regarder, j'ai regardé. C'est bien une sphère transparente. C'est une sphère transparente. Merci beaucoup. Bonne journée, messieurs, dames. Bonne route. Au revoir. Au revoir. Extrait du manuel des loups. Il est polyglotte et aime la musique. On n'a jamais vu de loup blanc mesurant moins de 30 cm ni plus de 3,50 m. Peu exigeant en général quant à son régime alimentaire, le loup blanc a ceci de particulier qu'il voue une haine sans borne aux concombres. Ce genre de loup est capable des pires folies qui sont en général les plus belles. Quelle que soit son année de naissance, il a l'imagination, la vivacité et la perversité de l'enfance bien ancrées au fond du regard. Pour vivre avec un loup, il faut comprendre que toutes les horloges sont des artichauts renouvelables. Avis à ceux qui craignent l'enivrement, ne respirez pas trop fort à ses côtés. Contrairement aux idées reçues, le loup a la peau plus soyeuse que les nouveau-nés et présente en plus l'avantage de ne pas sentir le lait. On le voit souvent en compagnie d'un dragon. Quand un loup se réveille de bonne humeur, que ce soit à 5h du matin ou à 3h de l'après-midi, il tient infailliblement à partager son enthousiasme avec ceux, enfin ou plutôt celles, qui l'entourent. Gare à vous, gros dormeurs grognons qui mettaient un certain temps à émerger des brumes matinales. On a déjà pu constater chez le loup une propension à danser dans les bois, surtout par les nuits étoilées. Protégez-lui les pieds quand il dort. Il vous fera peut-être cadeau d'un rêve ou chantera du Schubert du fond de son sommeil. Vendredi 18 juin, 10h, temps couvert, 20 degrés Celsius, 15h12, départ de la zone de pique-nique. 15h25, nous quittons la zone boutique. Nous avons fait quelques achats nécessaires. Déjeuner poulet sublime. Tomates, poivrons, oignons, poire au sirop, café. Un délice. 15h35. Grand et merveilleux panneau. Vous êtes en Provence. 15h45. Air du bois des loups. Orientation de Fafner, sud. Arrivée inespérée et réconfortante de Brian Featherstone et Martin Cazin, qui ont appris notre position géographique grâce au tire-solin. Ils ont quitté la hauteur de Simiane, la rotonde, pour nous apporter des friandises, du vin, leur amitié. Hello, how are you doing? Hey. Hello, Zange. Haven't seen you for a long time. Oh là là, c'est pas possible. Ah oui, aujourd'hui c'est la fête, vous savez. C'est la fête. C'est un grand jour pour moi. Pourquoi? Le 18 juin, c'est un grand jour. Ah, l'appel du général. Bah non, non, c'est Waterloo. C'est notre grande bataille. Donc aujourd'hui, on va fêter. Et moi, Julio, je t'ai ramené quelque chose d'exceptionnel. Oui, oh. Une bière à la châtaigne. Magnifique. Tu vas voir, c'est trop, trop bon, ça. Et ça, les fraises, c'est de chez nous. C'est avec les engrais des fraises. Mercredi 23 juin, 9h55. Départ, 10h10. Un panneau plein d'une amère signification pour nous. Vous quittez l'autoroute du sud de la France. Bonne route. 10h11, à droite, l'étang de Berre. 10h12, à gauche, la falaise de Vitrolles. À droite, l'aéroport de Marignane. 10h14, air de Vitrolles. Orientation de Fafner, ouest. Essence, boutique. Sur le côté, un campement de gitans. 10h16, départ. Nous entrons dans la zone de pollution. 10h30, bienvenue à Marseille. 10h35, Notre-Dame de la Garde en vue. 10h38, fin de l'autoroute. 10h40, arrivée au vieux port, où nous nous arrêtons, qui est Marcel Pagnol. Dernière photo documentaire. Le triomphe ne nous réjouit pas comme nous nous y attendions, bien au contraire. Le vacarme de la ville nous étourdit, les odeurs du port, tout ça. La notion de temps qui déjà nous incite à gagner serre à la hâte et à remonter à Paris en quelques heures, en voyant tristement défiler nos îles, le merveilleux archipel des parkings inaccessibles, étrangers, dont nous sépare à présent l'autre piste. Nous le savions, bien sûr. La fin de toute grande expédition, de toute prouesse héroïque ou sportive, est, au niveau des idées reçues, l'apothéose. Mais pour la nôtre, au niveau de la logique cette fois, ce fut le contraire d'une apothéose. À tel point que je n'écris ces dernières lignes que bien plus tard, des mois après, et sans aucune envie de les écrire, mais je me sens obligé de ne pas abandonner le pâle et patient lecteur qui aura fait avec nous le parcours de toute cette épopée. De la tristesse, voilà ce qu'il y avait. Une tristesse qui commença 2 jours avant l'arrivée, lorsque sur l'aire de Cénas, nous nous sommes regardés dans les yeux et avons, pour la première fois, accepté vraiment que le lendemain, ce serait la dernière étape. Comment oublier la phrase de l'oursine ? Julio, comme il aura peu duré notre voyage. Comment oublier qu'au moment de lire le panneau qui annonce la fin de l'autoroute, nous avons été pris d'une angoisse telle que seul a pu la surmonter un silence obstiné qui a duré jusqu'à l'arrivée dans le vacarme de Marseille, jusqu'à la recherche d'une place de stationnement sur le vieux port, jusqu'à ce que nous ayons posé le pied sur une terre qui ne serait plus désormais celle du Paris-Marseille. Un triomphe brouillé de larmes que nous avons séché dans un café en buvant le premier pastis marseillais et en pensant surtout que le soir même, nous monterions à Cadenet pour nous reposer quelques jours à Serres, chez les Tiercelins, notre port généreux, notre terre d'asile pour toujours. Ou pour finir, il nous est suggéré d'autres raisons possibles de notre expédition et peut-être de toutes les expéditions. Quand le secret n'en fut plus un, quand de retour à Paris, les amis se pressèrent pour nous entendre raconter l'expédition, dans l'attente du livre qui compléterait ce que nous leur disions, au milieu des rires et des plaisanteries, une vision différente de notre voyage commença à se faire jour, à travers beaucoup de commentaires. Certains amis voulurent aussitôt savoir si cela n'avait été vraiment qu'un jeu, si par derrière ne se cachait pas une quête d'une autre nature, l'immersion dans un passage qui ne fut pas seulement géographique, la confrontation de la vie ordinaire à ce no man's land installé en manière de défi, en plein vertige de la civilisation. Quelqu'un demanda même si nous n'avions pas mis en pratique une forme contemporaine de la provocation zen. Si ce rebrousse-poil parfois exaspérant d'un voyage en contradiction avec toutes les possibilités offertes et favorisées par l'autoroute n'avait pas pour véritable but une libération des tensions qui nous viennent autant de nous que de la marche des événements. Si Marseille n'avait pas été par hasard notre Graal. Tout ceci nous a un peu éblouis, mais nous a surtout amusés. Car jamais nous n'avons conçu ou réalisé l'expédition avec des arrière-pensées. C'était un jeu. Un jeu pour une oursine et un loup qui dura pendant 33 merveilleux jours. Nous nous sommes dit plusieurs fois que si nous avions eu présente à l'esprit toutes ces possibilités, l'expédition aurait pris un autre tour, peut-être meilleur, peut-être pire, mais n'aurait pas été cette avancée dans le bonheur et dans l'amour dont nous sommes sortis si comblés que rien par la suite. Pas même des voyages admirables et des heures de parfaite harmonie n'a pu égaler ce mois hors du temps. Ce mois intérieur où nous avons su pour la première et la dernière fois ce qu'était le bonheur absolu. Et c'est peut-être pour cela que nous avons compris sans parole que nous avions accompli ce voyage en obéissant sans le savoir à une quête intérieure qui devait prendre par la suite différents noms dans la bouche de nos amis. Nous avons compris que nous avions à notre manière fait un acte zen, que nous avions cherché le Graal, que nous avions aperçu les coupoles d'Orplide, et que tout cela nous avait été donné justement parce que nous ne l'avions pas cherché ni projeté, parce que l'amour et la joie nous comblaient trop pour céder le pas à un désir de quête. Nous nous étions trouvés nous-mêmes, et c'était cela notre Graal sur Terre. Postscriptum. Décembre 1982. Fidèle lecteur, tu le sais peut-être déjà, Julio le loup finit et compose seul ce livre dont tu entends l'adaptation, qui fut vécu et écrit par l'oursine et par lui comme Un pianiste joue une sonate, les mains unies dans un même souci de rythme et de mélodie. L'expédition à peine terminée, nous avons repris notre vie militante et nous sommes repartis au Nicaragua, où il y avait encore tant de choses à faire. Carole a repris là-bas sa tâche de photographe, tandis que j'écrivais des articles pour montrer à tous les horizons possibles, la vérité et la grandeur de la lutte de ce petit peuple qui, infatigablement, poursuit sa route vers la dignité et la liberté. Là aussi, nous avons trouvé le bonheur, non plus seuls comme sur les parkings du Paris-Marseille, mais dans le contact quotidien avec des femmes, des hommes, des enfants qui allaient comme nous de l'avant. Là-bas, l'oursine s'est mise à décliner, victime d'un mal que nous avons cru passager, car en elle, la volonté de vie était plus forte que tous les pronostics. Et j'ai partagé son courage, comme j'ai partagé sa lumière, son rire, son amoureuse connivence avec le soleil, la mer, l'espoir d'un avenir plus beau. Nous sommes revenus à Paris d'urgence, mais plein de projets. Finir le livre ensemble, donner nos droits sur les ventes pour le peuple du Nicaragua et vivre. Vivre encore plus intensément. 2 mois ont passé que nos amis ont rempli d'affection, 2 mois pendant lesquels nous avons entouré l'oursine de tendresse et où elle nous a redonné chaque jour ce courage qui commençait à nous abandonner. Puis je la vis entreprendre lentement ce voyage solitaire où je ne pouvais plus l'accompagner. Et le 2 novembre, elle s'échappa d'entre mes mains comme un filet d'eau. Sans accepter encore que les démons aient le dernier mot, elle qui les avait tant défiés, combattus au cours de ces pages. Tout comme je lui dois le meilleur de mes dernières années, je lui dois de finir seul ce récit. Je sais bien, Oursine, que tu aurais fait la même chose si c'était moi qui avais dû partir le premier. Je sais que ta main écrit, unie à la mienne, ces derniers mots, où la douleur n'est pas, ne sera jamais plus forte que la vie que tu m'as appris à vivre. Comme nous sommes peut-être arrivés à le montrer dans cette aventure, qui parvient ici à son terme, mais qui continue. Qui continue dans notre dragon, qui continue à jamais sur notre autoroute. C'était Les Autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Adaptation, Leslie Menahem. Avec Bruno Abraham Kremer, Julio Cortázar, Violaine Schwartz, Carole Denlop et Lionel Mur, Delphine Augereau, Stephen Clark, Yvette Caldas, Laurent Lederer, Marie Constant, Zoé Feliciano, Leslie Menahem. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Interprété par Mathieu Beauchat, Virgile Lefebvre, Erwan Ricordo, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Martin Delafosse, Marie Jaworski. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. Remerciements à Daniel Coulon et à son combi Volkswagen. Les Autonautes de la Cosmoroute, de Carole Denlop et Julio Cortázar, traduit par Laure Guil-Bataillon et Françoise Campo, a été publié aux éditions Gallimard.